Son et lumière à Chambord. Прослушайте текст и скажите, понравился ли зрителям спектакль. Chaque été, pendant la saison touristique, beaucoup de monuments sont illuminés pour un spectacle de nuit. On appelle ce spectacle un son et lumière. Dans la vallée de la Loire, où il y a beaucoup de châteaux, on peut voir beaucoup de ces spectacles. L'un des plus beaux est celui de Chambord. Le spectacle commence à la tombée de la nuit. Chaque partie du château s'illumine l'une après l'autre et l'histoire du château, construit par François Ier, est racontée aux spectateurs. Ceux-ci sont devant le château, assez loin pour avoir une vue d'ensemble. Certains événements dramatiques sont racontés par des acteurs connus. Une musique baroque de la Renaissance accompagne le spectacle. On quitte ce son et lumière en ayant l'impression d'avoir vécu une tranche d'histoire.